Puis-je m'autoriser l'illusion d'un quelconque au-delà? C'est du néant que je suis sorti. Au néant qu'il me faudra retourner. Quel monde pour moi, sinon un théâtre de marionnettes sinistres et dérisoires, rempli de fureur et de bruit, dépourvu de tout sens.